Chapitre 27. Elfrona. Tout va bien se passer, assura Erika à ses enfants en plongeant son regard dans celui de la petite Bille, puis de Ron. Ron était plus âgé, à quelques années seulement de quitter le foyer. Mais à cet instant, ils avaient tous deux l'air de bébés terrifiés, cherchant le moindre réconfort auprès de leurs parents. La Nihil, qui se trouvait avec eux dans le chariot, renifla de dédain. « C'est ça, » dit-elle. « Très bien. » Elle portait un masque comme les autres, mais Erika avait vu qu'il s'agissait d'une Trandoshane, à ses bras dont la peau écailleuse et grise miroitait au soleil. Ceci était particulièrement long par rapport à son buste et se terminait par des mains dotées de griffes blanches. Un trait de peinture bleue en dents de scie traversait son masque du front au menton. Elle était équipée d'un fusil ainsi que d'un blaster rangé dans son étui et la galaxie seule savait quelles autres armes. Erika et sa famille ne risquaient pas de maîtriser cette femme, quand bien même ils parvenaient tous les quatre à se libérer des plastimenottes qui leur liaient les mains dans le dos. Ils n'étaient que deux mineurs et leurs enfants. Sans compter qu'Otto était à peine conscient. Il avait reçu un mauvais coup à la tête quand les Nihil avaient enfin réussi à les déloger de leur maison. Non, tout n'allait pas bien se passer. Mais ce n'était pas le genre de choses que l'on disait à ses enfants. « Restez bien courageux », leur souffla Erika. Ils fonçaient le long d'un chemin de terre qui sinuait entre deux rangées de collines. Fer à gauche et magnétite à droite. Le champ généré par les minerais expliquait en partie pourquoi les vaisseaux ne pouvaient pas survoler cette région d'Elfrona et pourquoi ils ne se trouvaient pas déjà loin de la planète à bord de l'appareil des Nihil. Leur speeder étant détruit, les kidnappeurs avaient décidé d'ajouter le vol de bétail à la liste de leurs crimes et s'étaient enfuis avec 5 des aciérés des Blight. Les ravisseurs avaient harnaché 2 des créatures pour qu'elles tirent le chariot à répulsion dans lequel voyageait la famille. 3 autres avançaient à leur côté, un Nihil sur chaque monture. C'étaient des cavaliers inexpérimentés, avait remarqué Erika avec dédain, vu la façon dont ils se tenaient avachis sur leurs selles, leur poids mal réparti. Ils ne cessaient de donner des coups de talon et de fouetter les flancs des créatures dans le but de leur soutirer un peu plus de vitesse, sans réaliser qu'il suffisait de s'asseoir correctement dans la selle pour que les aciérés se déplacent 2 fois plus vite. Bien sûr, Erika n'avait pas l'intention de le leur dire. Mieux valait que le groupe se déplace lentement. Car quelqu'un s'était lancé à leur poursuite, et plus les Nihil mettraient de temps à rejoindre leur vaisseau, plus les gens derrière eux auraient de chances de les rattraper. C'était Ron qui les avait repérés le premier. Il était assis dans le chariot dans le sens inverse de la marche, ce qui signifiait qu'il pouvait voir tout ce qui se trouvait derrière eux. Son fils lui avait doucement touché la jambe avec sa botte. 3 contacts brefs, un signal de toute évidence. Elle l'avait regardé, puis bougé silencieusement les lèvres. « Quoi ?» Il n'avait pas répondu, juste tourné son regard sur le côté, par-delà sa mère, avant de revenir sur elle. Puis il avait recommencé, ses yeux indiquant le chemin qu'il venait de parcourir, avant de se poser à nouveau sur elle. Puis Ron avait touché la joue de sa sœur du bout de son nez et dit d'une voix forte « Ne pleure pas, Bi, cette idiote de lézarde ne te fera aucun mal. » Il avait eu droit à un coup de pied de la Trandoshane qui les surveillait, mais il n'avait pas bronché, son grand garçon courageux. Cela avait aussi fourni à Erika la distraction nécessaire pour tourner la tête et jeter un coup d'œil rapide derrière eux. Elle avait alors vu ce que Ron avait repéré. Des étincelles dans le lointain. Pas toutes proches, mais pas trop loin non plus. Elle avait regardé à plusieurs reprises depuis, profitant de chaque opportunité pour lancer un rapide coup d'œil et leur poursuivant se rapprochait un peu plus à chaque instant. Les étincelles étaient identiques à celles créées par leur propre monture chaque fois qu'un sabot frappait la roche métallique. Les troupeaux d'aciérés sauvages galopant la nuit étaient une des merveilles offertes par la nature sur Elfrona. Le fracas des sabots faisait aussi beaucoup de bruit. Un claquement rapide et tranchant, qui heureusement masquait celui émis par leurs poursuivants. 3, pensa-t-elle. Elle ne pouvait pas vraiment percevoir de détails, mais il lui semblait en distinguer 3, chevauchant côte à côte. Personne ne semblait les avoir remarqués, à part eux deux. Leur garde Trandoshan gardait son regard fixé sur ses prisonniers. Et bien sûr, les Nihil regardaient droit devant eux, trop occupés à rester en vie, cramponnés à leur monture pour ne pas tomber de sel. Elle lança un regard interrogateur à Ron, et il répondit par une sorte de haussement d'épaule uniquement exprimé avec les yeux. Il ne savait pas qui était sur leur piste non plus, et Erika savait qu'il n'avait pas réussi à obtenir de l'aide de la part de l'espoir d'Ogden. Peut-être que la brigade de sécurité de l'agglomération avait fini par retrouver son courage et envoyer une équipe à leur secours. Encore qu'ils seraient venus en speeder, pas à dos d'acieré. Cela n'avait aucun sens. Néanmoins, cela laissait un peu de place à l'espoir. Et ce n'était pas du luxe à cet instant. Elle risqua un autre coup d'œil en arrière, juste pour voir s'il gagnait du terrain. Et cette fois, la chance tourna. La garde la vit faire et suivit son regard. Elle repéra immédiatement les poursuivants, impossible à rater désormais. Les étincelles jaillissaient de chaque côté, comme si les gens lancés à leur poursuite chevauchaient le long d'une route enflammée. La Nihil se dressa dans le chariot et cria en direction des autres membres de l'équipe. « On a un problème! Il y a du monde à nos trousses, et ils vont vite! On dirait 3 des... » C'est alors Koto, qui n'était pas inconscient en fin de compte, mais feignait seulement de l'être avec l'espoir qu'une occasion comme celle-là se présenterait, fit claquer sa langue à 3 reprises sur son palais. Un claquement sonore. Alors les 5 aciéris, bien entraînés et choyés par son mari, reconnurent le signal et obéirent. Ils s'arrêtèrent net, leurs sabots en dur alliage fixés au sol grâce aux champs organomagnétiques qui leur permettaient d'escalader les montagnes les plus escarpées d'Elfrona. Ici, la manœuvre eut pour effet de réduire leur vitesse à 0 de façon nette et précise. Cela ne supprima pas pour autant l'élan et encore moins l'inertie. 3 des Nihil furent éjectés de leur selle, projetés en avant à une vitesse phénoménale. Leur garde aussi, qui était dans la pire des positions possibles lorsque les aciérés s'arrêtèrent, debout, déséquilibrés, dans un chariot à répulsion se déplaçant rapidement. Propulsée dans les airs, elle jaillit hors du chariot tel un projectile tiré par son propre fusil. Un instant plus tard, résonna un son brutal, à la fois sec et sourd. Le bruit de quelque chose de dur se brisant sur quelque chose d'encore plus dur. Erika n'assista pas à la scène, compressée qu'elle était, comme le reste de sa famille, contre l'avant du chariot à répulsion, dans un enchevêtrement de bras et de jambes contusionnés. Malgré cela, elle était à peu près sûre de savoir désormais le bruit que faisait un crâne Trandoshan qui se fracasse sur de la roche ferreuse. Eh bien, bon débarras. « Est-ce que tout le monde va bien ?» demanda Erika. « Ça va, » répondit Bi. Courageuse, la puce. « Je me suis fait mal à la main, mais rien de trop grave, » indiqua Ron. « Je suis désolé de ne pas vous avoir prévenu, » dit Otto en s'extirpant de l'enchevêtrement. Mais ça n'aurait pas fonctionné sans l'effet de surprise. Maintenant, essayez de faire la même chose que moi. Il s'allongea sur le dos, puis releva les genoux sur sa poitrine et tendit les bras autant que possible pour essayer de passer ses mains menottées sous ses pieds, de façon à ce qu'il puisse s'en servir un minimum. Erika commença à l'imiter. S'ils pouvaient se servir de leurs mains, ils pourraient peut-être trouver un moyen de se libérer ou au pire de s'enfuir. La crosse d'un fusil s'abattit sur la tête d'Otto, et il s'écroula. Son regard devint vitreux, hagard. Il était vivant, mais Erika ne savait pas ce qu'il restait de lui à cet instant. Son mari ne risquait plus de mijoter d'autres surprises, en tout cas. Les Nihil n'étaient pas partis. Ils étaient tombés, certains violemment, mais ils étaient toujours là, toujours armés, et désormais fous furieux. Celui qui avait frappé son mari brandit à nouveau la crosse de son fusil, et si le premier coup ne lui avait pas déjà brisé le crâne, elle sut que celui-là lui serait fatal. Erika se jeta en avant, couvrant le corps d'Otto avec le sien, pour tenter de le protéger. « Non !» Le fusil la cueillit dans les côtes, et elle se roula en boule sous le coup de la douleur, immédiate et intense. Mais mieux valait elle qu'Otto. « Pousse-toi ou je te tue, toi aussi !» gronda le Nihil d'une voix grave et étrange. Quelqu'un à l'extérieur du chariot attrapa l'agresseur et le tira en arrière. Erika luttait pour retrouver son souffle, mais elle entendit leurs échanges. « Tu ne dois en tuer aucun. Asaria est morte. Elle est morte. » « Asaria, » songea Erika. « Quel joli prénom. » « Ces stupides mineurs ont déjà tué la moitié d'entre nous, Dent. »« Un vrai plaisir, » grommela Ron à côté d'elle. « Il est temps de leur faire payer. » « J'ai dit non. À chaque fois qu'on en tue un, c'est 25% en moins sur notre part. Je me fiche de ceux qu'on a perdus. Ça a fait doubler nos gains. Mais on a perdu un speeder aussi. Et ça, ça nous met dans le rouge. On a besoin de tous les crédits possibles, alors t'as pas intérêt à en tuer un seul. T'es juste une foudre. Le nuage, c'est moi, alors tu fais ce que je te dis. » Il y eut un long silence et Erika comprit que la vie de son mari, voire même de sa famille entière, allait dépendre du respect que cette foudre avait pour son nuage, quel que soit le sens de ses mots. « D'accord, » cracha le premier Nihil et elle l'entendit s'éloigner. Erika soupira lentement. « Otto !» souffla-t'elle. Pas de réponse. Elle décida qu'elle allait partir du principe qu'il était toujours vivant. L'espoir était une affaire de choix, et la suite sembla lui donner raison. Un bruit s'éleva au loin, celui de sabots. Leur poursuivant était en train de les rattraper. « Il faut qu'on tue ceux qui nous poursuivent !» annonça au reste de son équipe la chef des Nihil. Le nuage, si elle avait bien compris. « Ega, Rel, grimpez au sommet des collines de chaque côté. Trouvez un endroit où vous aurez le canyon bien en vue. Mac, Bego et moi, on va continuer en direction du vaisseau. On emmène la famille avec nous pour les forcer à suivre le même chemin. Débarrassez-nous d'eux !» Erika écouta le plan se mettre en place, puis avec un soubresaut, le chariot se remit en route et accéléra rapidement. Mais à présent, il n'y avait plus de garde, et elle put terminer la manœuvre que son mari lui avait montrée de façon à passer ses mains devant elle plutôt que de les garder bloquées dans son dos. Son premier réflexe ensuite fut de prendre le pouls d'Otto, régulier et bien frappé. Il était inconscient, mais ce n'était peut-être pas si grave. Cette inquiétude levée, elle se tourna vers ses enfants. Elle caressa le visage de Bi et l'embrassa, puis prit les mains de Ron dans les siennes. « Vous vous montrez si fort, si courageux tous les deux. Nous sommes très fiers de vous. »« Est-ce que Papou va bien ?» demanda Bi. « Il va se remettre rapidement. Ne t'inquiète pas pour ton père. Reste calme et tiens-toi prête à faire tout ce que je te demanderai de faire le moment venu. » En attendant, essaie de repasser tes mains devant toi, comme je l'ai fait. Tu es un vrai petit asticot. Tu peux le faire, j'en suis certaine. Toi aussi, Ron. Elle observa ses deux enfants se contorsionner comme elle leur avait demandé. Et maintenant, songea-t-elle. Erika avait deux enfants et un mari inconscient à sauver d'une manière ou d'une autre. Et elle se rappela leur poursuivant. De l'aide, peut-être, était en chemin. Agrippant le bord du chariot, elle se hissa pour regarder en arrière. Avec un peu de chance, il n'était plus très loin maintenant. Et c'était le cas. Le retard provoqué par le stratagème d'Otto avec les aciérés s'était avéré payant. Il ne devait pas être à plus de 500 mètres d'eux. Elle les distinguait mieux à présent. Trois silhouettes chevauchant avec aisance et rapidité. Des cavaliers expérimentés, rien à voir avec leurs ravisseurs. Erika avait envie de leur crier un avertissement, de les prévenir qu'ils se dirigeaient droit dans un piège. Mais il était peu probable qu'ils l'entendent, et elle ne voulait surtout pas prendre le risque que les Nihil estiment finalement qu'une marge bénéficiaire de 75% représentait déjà une belle somme. Puis, quelque chose se produisit. Trois faisceaux de lumière se déployèrent devant les cavaliers qui les rattrapaient rapidement. Un doré, un bleu, et un verre. Alors Erika comprit ce qui était en train de se passer. Elle comprit qui étaient ces gens. « Par la lumière, » souffla-t-elle. « Ce sont des Jedi. »